tentar de alguma forma também estabelecer aqui as... Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Ravi de vous retrouver à nouveau pour ce rendez-vous du métal, du décrassage auditif pendant donc 2 heures. Donc ce qui vous attend cette semaine, eh bien, ce sera des nouveautés au nombre de 4 dans des registres complètement différents les unes des autres. D'ailleurs, comme tout le reste de l'émission, vous savez que c'est pour ça que d'ailleurs vous écoutez, c'est pour avoir un petit survol de tous les genres et sous-genres de notre style musical préféré et aussi un petit peu écouter des choses en rapport avec l'actualité. Eh bien, si vous êtes prêts, je vais attacher bien votre ceinture, parce qu'on va décoller, on va aller très loin dans le temps et l'espace, puisqu'on va aller retrouver Amon Sethis, le groupe qui a basé ses albums sur l'Égypte, principalement sur la 6e et 7e dynastie des pharaons. Et on va les retrouver donc sur leur album Part 3, Dawn of an Apocalyptic World. Et ce soir, ils vont nous parler de la malédiction de Ra, qui est, je crois, le dieu soleil, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin bref, le morceau, c'est The Curse of Ra. Petit voyage dans le temps, puisque c'était Avantasia avec le morceau Avantasia, tout simplement, extrait de The Metal Opera, sorti donc en 2001, premier opus donc pour Avantasia, qui en est maintenant à son 7e ou 8e, et Avantasia donc qui sera en concert le 16 mars prochain à l'Olympia de Paris, quand même, excusez du peu. C'est fou quand même le succès qu'a pu avoir ce projet parallèle, puisqu'à l'origine, c'était une récréation pour Tobias Sammet et sa préoccupation principale était Ed Guy. Et Ed Guy maintenant est en sommeil depuis une bonne dizaine d'années, et Avantasia, avec son line-up fluctuant, avec son lot de chanteurs et de chanteuses assez impressionnant, continue son petit bonhomme de chemin, donc vraiment un beau truc à voir. Juste avant Avantasia, Amon Sethis, c'est plutôt l'Égypte et les pharaons qui les intéressent. Extrait donc de leur dernier album, leur 4e Part 3 Down of an Apocalyptic World, sorti le 21 février dernier. C'était The Curse of Ra. On va se faire la première nouveauté de la semaine. Et on va rester en Allemagne aussi. Et on va faire un petit peu de la série Faisons du neuf avec du vieux. Avec le nouvel album solo, nouvel album de Dirk Schneider. Oui, il porte le nom Dirk Schneider et non pas Udéo. Si vous vous souvenez, il y a de ça, je crois, 2 ans maintenant, on a eu un excellent album de Udo, le groupe, donc de Udo Dirk Schneider, donc l'ancien hurleur de Accept, qui s'appelait Touchdown, dont avait passé d'ailleurs pas mal d'extraits, ce qu'il m'avait bien bluffé. Souvent, je suis toujours resté un petit peu souvent circonspect devant la production du sieur Dirk Schneider, mais là, l'album m'avait vraiment botté de bout en bout. Et là donc, il nous revient sous le nom Dirk Schneider, pour revisiter le répertoire d'Accept, vous allez me dire encore, puisqu'on a eu les lives Back to the Roots. Et si vous étiez comme moi, si vous avez eu la chance de voir le concert à Paris, où c'était la deuxième partie de la tournée Back to the Roots, l'ami Udo en avait profité pour déterrer des morceaux plutôt oubliés d'Accept. Et vraiment, ça avait été vraiment un très très grand moment. Dommage que d'ailleurs ce ne soit pas sorti en CD ou en DVD. Enfin bref. Et là, du coup, il a décidé de réenregistrer l'album Balls to the Wall, classique des classiques. Alors sur le coup, quand j'ai vu ça, je me dis quel intérêt, parce que des versions live des morceaux de Balls to the Wall, on en a sur tous les lives qui figurent de ça, qui sont quand même assez nombreux. Mais là, il a décidé donc de non pas de retravailler les morceaux, mais d'inviter plein d'amis à chanter en duo avec lui. Alors on y trouve plein de beaux mondes d'ailleurs, puisque entre autres on y trouve Joachim Broden de Sabaton, on y trouve Biff Bifford qui pose sa voix sur London Laser Boys, Michael Kiske, Danko Jones, Dee Snider et j'en passe, et des meilleurs. Et du coup, ça nous donne une relecture vraiment très intéressante de ce grand classique du métal. Et bien pour ce soir, je nous ai choisi Fight It Back, où l'invité de Udo Dirk Schneider, c'est Mil Petrozza de Creator, et ça fait un super duo pour un morceau qui n'est non moins génial. Allez, on se réécoute ça. Et d'ailleurs, petite pensée émue pour Fred Malon, Metal Maniac, là-haut ou en dessous, je sais pas où il est, mais s'il entend ça, je pense qu'il va sauter dans tous les sens et qu'il va secouer les gens, toutes les âmes à côté de lui, dire « Putain, écoutez ça, c'est génial !» Allez, Fight It Back. C'est bon ça, on croirait vraiment du heavy metal sorti vraiment des années 80 et pourtant c'est actuel puisque c'est sorti en tout début d'année. The Watcher, leur premier album Out of the Dark, c'était The Revelator. Peut-être pas le groupe le plus original, mais ça fait du bien de se replonger quand même dans la musique de notre jeunesse. Eux aussi, bah, c'est le retour des années 80 avec le nouvel album de Dirk Schneider. Pour bien différencier Udo, avec son Balls to the Wall Reloaded, là on a eu Fight It Back, en compagnie donc de Mil Petrozza de Creator. Oui, tout simplement, l'album a été réenregistré avec la fine fleur du métal européen et américain, donc il y a de très très bonnes choses, même ça nous permet même de redécouvrir cet album mythique. Maintenant, allons faire un petit tour en Suisse, retrouver le groupe de death metal mélodique Atlas Ashes et son premier album New World. Et on va se décrasser les oreilles avec Talentless. We'll be right back. Petit détour par le Brésil où on vient de retrouver donc les harpies de Nervosa. Voilà, quand on voit les photos, elles sont charmantes, elles sont mignonnes comme tout. On a du mal à croire que bah, d'aussi charmantes jeunes filles peuvent faire une musique aussi féroce. Et pourtant, waouh, qu'est-ce que ça dégage. Moi, j'adore. C'est un extrait de Perpetual Chaos, leur avant-dernier album sorti en 2021, Venomous. Et d'ailleurs, Nervosa sera en concert à l'Astrolabe samedi soir, en compagnie de Novelist et de Monde de Merde, dans le cadre du warm-up Hellfest. Donc, une soirée qui promet vraiment d'être bruyante à souhait. Et bref, on va adorer. Juste avant Nervosa, venu de Suisse, Atlas Ashes et son premier album New World, c'était Talentless. On va changer complètement de style maintenant, puisqu'on va aller faire un tour du côté de Clermont-Ferrand, redécouvrir le premier album de I.S. I Hate. Mélange de rock, d'alternatif, d'indus, enfin un groupe assez inclassable. Extrait donc de leur premier album, The Convolution Encore. On va se faire un petit morceau sympa qui s'appelle Too Little Too Late. Un morceau assez progressif et aérien. Donc changement d'ambiance, comme toujours. C'est ça, Electric Shock. Thank you. Ambiance étrangère et éthérée, c'était donc un instant un extrait du premier album de High Ace I Hate Convolution Encore. C'était le morceau Too Little Too Late. Eh bien, on va changer complètement de style. Et pour ça, je vais vous emmener faire un tour en Belgique, du côté de Liège plus exactement, découvrir un groupe qui s'appelle Raum. Alors, Raum, c'est un groupe de black metal qui s'est formé en 2020 pendant la pandémie. Et ils n'ont pas perdu de temps puisque c'est déjà leur deuxième album. Ils avaient sorti un premier album qui s'appelait Cursed by the Crown en 2023. Et là, le 21 février dernier, là, ils nous ont sorti leur deuxième album qui s'appelle Emperor of the Sun. Si là, on a volé un petit peu, c'était un peu aérien. Là, c'est plutôt l'inverse. On va aller quand même très loin dans les abîmes, dans les profondeurs, glauques, lugubres. Mais oh, on aime ça, sinon on n'écouterait pas Electric Shock, bien sûr. Donc, extrait de cet album. C'est le morceau que j'arrive à me relire quand même, ça s'appelle Towards the Flame. Ce petit décrassage auditif vous était offert par Electric Shock. Electric Shock, l'émission que tous les ORL d'Orléans et de sa banlieue plébiscite, la preuve. Et Electric Shock, donc tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. On vient de découvrir à l'instant le groupe Raum, groupe de Belgique, de Black Metal et son deuxième album Emperor of the Sun. Et on vient de s'écouter donc Towards the Flame. Après la Belgique, on va rester un petit peu dans la même région puisqu'on allait faire un petit tour en Hollande, retrouver Charlotte Wessels et son nouvel album solo, The Obsession, sorti il y a de ça quelques mois. Charlotte Wessels donc, était donc l'ancienne chanteuse de D-Lane et qui nous est revenue avec un album quand même plus proche de ce qu'elle faisait avec son ancien groupe que ses deux précédents albums solo qui avaient été conçus pendant la pandémie et qui nous montraient une autre facette, plus pop, voire électro. Enfin, il y avait des choses très intéressantes. D'ailleurs, on avait passé d'ailleurs pas mal d'extraits aussi de ces deux albums à ce moment-là. Donc on va se passer ce soir le morceau Ode to the West où elle chante en duo avec la chanteuse d'Arch Enemy Alissa Whiteglouze pour un morceau quand même vraiment sympa. Enfin tout l'album est sympa, il n'y a pas à dire. A new stream at the steep sky's commotion. There's clouds like earthy cane leaves a shade. Shook from the tangled boughs of heaven and ocean. Chained and bound, someone much like you. avec Sleepwalker's Dream, donc sur l'album Dance with the Devil, sorti je crois au mois d'octobre ou au mois de novembre l'année dernière, je ne sais plus très bien. Dance with the Devil, qui est un album un peu fourre-tout, puisqu'on y trouvait des morceaux live, des versions instrumentales, un morceau inédit et des réenregistrements de morceaux dans ce Sleepwalker's Dreams, avec donc la nouvelle chanteuse. Bon, je trouve qu'elle s'en sort pas mal, mais personnellement, je préférais comme la version originale qui figurait sur Lucidity, le premier album sorti en 2006. Je trouvais que la voix de Charlotte Wessels avait plus de personnalité. Mais enfin, ça, ce n'est qu'un avis personnel. Charlotte Wessels, qu'on a eu donc juste avant, et avec un extrait de son nouvel album The Obsession, et c'était Ode to the West, où il y avait en guest donc Alissa Wakelust de Arch Enemy. D'ailleurs, le prochain album d'Arch Enemy devrait sortir normalement à la fin du mois. Allons faire un petit tour du côté de Nantes maintenant, retrouver le groupe de pop punk électro. Punk, hardcore, metal, emo, tout ce qu'on veut, qui est Stinky, qui a donc sorti un album qui s'appelait Solace. Et on va se décrasser les oreilles avec le morceau. Comment il s'appelle déjà? Oui, que je relise ma petite fiche. Et oui, ça c'est l'inconvénient du direct, avec le morceau Undercare, voilà, où figure donc Andrew Neufeld, qui est le chanteur de Comeback Kid, donc il vient donc faire un petit coucou au passage. Yeah. From Chaos, c'est un extrait donc du dernier album, qui est d'ailleurs leur tout premier, du groupe New Titi, extrait donc de The White Noise of Ignorance, sorti à, je crois, début février, si mes souvenirs sont bons, donc groupe qui nous vient de Toulouse. La suite, eh bien, c'est donc la prochaine nouveauté de la soirée, la troisième donc, avec un groupe qui nous vient également de Toulouse, dont c'est le deuxième EP. Ce groupe s'appelle Helm. Le EP s'appelle Reflet Irisé, donc il est sorti début février. Alors Helm, c'est un groupe de métal alternatif. Alors quand on dit métal alternatif, ça veut tout dire et rien dire. Alors c'est vrai que c'est, comment dirais-je, il y a un peu de tout là-dedans. C'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve des ambiances prog, un peu électro, métal bien sûr, du metalcore, des trucs un peu pop, un petit peu de hip-hop par moment, voire même chansons françaises dans la façon de chanter. Quand on vous dit ça comme ça, vous dites, oh là là, ça fait un peu indigeste hein, comme tambouille. Et pourtant, quand on écoute, ben, on s'aperçoit que bah, tout ça c'est cohérent, ça passe très très bien et c'est vraiment bien maîtrisé. Et ben, je vous invite tout de suite à découvrir donc un extrait de ce EP, un morceau qui s'appelle donc Hotmail Core. Je regarde la vie comme un fardeau blessant, traumatisant. J'erre doucement vers une parano naissante. Je veux m'accouler, toujours à la recherche d'un radeau décent. Je veux me libérer, des fois je m'abandonne à d'autres substances. 14 balais, plusieurs années que j'ai regardé s'écouler. Toujours collé, le padré ne veut même plus m'écouter. Rien à côté, on va se la coller sous le marronnier. 14 balais, encore un jour que j'ai regardé s'écouler. Fantomatique, le matin pas possible de se réveiller. Atypique, à la récré tout le monde me regarde gêné. Apathique, je réagis pas pendant que le bateau coule. Sympathique, j'ai une bande de potes que moi c'est cool. Avec eux on fait des trucs bien. Enfin je crois, on dit que je suis beaucoup plus jovial quand je bois, alors je recommence pour rigoler encore une fois. Je me fais remarquer et donner de la voix. Mon côté, je reste. On me casse la gueule. Je croyais qu'on était foulé. Je pensais pas te voir dériver. Dans le moule, que c'est pas grave, si des fois y'a pas tout qui roule, alors je fais de la guitare, joue dans les bars et je suis bien car j'emmerde ces connards qui m'ont fait me sentir à part. Je comprenais pas pourquoi toutes ces tribus, je comprenais pas pourquoi tu me voyais plus. Donne-toi, seul les Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. We'll be right back. T-E-M-P, ou alors Tribal Engine for Metal Players, si vous préférez, donc extrait de leur album Affreux de Paix, sorti en fin d'année dernière. C'est un bon bout de temps qu'on n'avait pas passé, c'était le morceau des mots pour armes. Juste avant, venu de Toulouse, et c'est donc leur deuxième EP, c'est le groupe Helm, avec donc le morceau Hotmail pour corps, extrait donc de Reflets irisés qu'on vient de se faire, et donc c'était la troisième nouveauté pour la soirée. Et il est 20h18 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est vrai que ça passe très très vite hein, quand on a de la bonne musique et qu'on a de la bonne compagnie. Donc Electric Shock, je vous rappelle, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Allons faire un petit tour du côté des Yvelines, retrouver le groupe After Us All que je vous ai présenté la semaine dernière, avec son premier album Rebirth. Donc mélange de métal, de pop, très intéressant, qui n'est pas sans rappeler ce qui se faisait beaucoup au début des années 2000. Écoutons-nous Six Feet Under, si vous voulez bien. tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Souvenir, quand je pense qu'à l'époque on entendait ça sur toutes les grandes radios périphériques, bah vous aurez reconnu, j'imagine, Evanescence avec son classique Going Under, extrait de son premier album Fallen, qui était sorti en 2003. Putain, ça a pas pris une ride. Dans le même esprit, mais pourtant beaucoup plus récent, puisque c'est des tout jeunes qui nous viennent des Yvelines, c'était After Us All et son premier album Rebirth était donc Six Feet Under. Eh bien, on attaque bientôt la dernière demi-heure d'Electric Shock et on va se faire la dernière nouveauté de l'émission avec quelque chose de très original, de vraiment quelque peu barré. Ça s'appelle Wyatt A. Wyatt A, c'est un groupe de post-doom belge qui a choisi de chanter en mélange d'araméen et de... Quelle langue aussi c'est même... Et de acadien, avec deux cas, pas confondre avec la province de... du Québec, du Canada. Alors Wyatt Hayes, ils sont donc passionnés par Babylone, par une vision fantasmée de Babylone et de tout ce qu'il y a autour. Donc ça veut dire qu'ils nous composent des morceaux assez inquiétants, assez lourds aussi, très, il y a des choses très hypnotiques, des morceaux très longs, enfin des choses très intéressantes. D'ailleurs, l'album s'appelle, alors attention, Zamaru Ultu Kereb Zikaratu Part One, ça veut dire que donc il y aura une suite. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire parce que moi c'est l'anglais, alors là j'ai déjà du mal avec l'anglais. Et bah, on va découvrir, d'ailleurs, il y a deux chanteuses, une israélienne et une iranienne, pour bien montrer en fait la dualité de cette ville mythique. Alors je vous dis, c'est très hypnotique, c'est quand même assez barré, ça fait penser à des passages de genre King Crimson, ce genre de choses. Je peux comprendre que ça peut rebuter à la première écoute, ça laisse circonspect, mais il y a des choses vraiment très très intéressantes et il faut vraiment ne pas avoir peur d'y revenir. Le morceau que je vous ai choisi ce soir, c'est le morceau qui ouvre l'album. Alors, comment qu'il s'appelle, parce que c'est quand même compliqué à vous dire. Alors ça s'appelle donc Kakari Latari Part 1. Voilà. Je vous invite à découvrir. À tout à l'heure. Oups, désolé. Un petit souci. On vous le renvoie. Thank you. vous l'avez dit, hein, hypnotique et lancinant, en plus de ça, très peu de chants, en plus de ça, en langue morte. Alors, c'était donc les Belges de Wyatt Hay, avec, alors, je répète le morceau, Kakari Latari Part 1, extrait de Zamaru Ulta Keleb Zikaratu. Alors, je ne me demandais pas ce que ça raconte. On va changer complètement de registre à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll que je vous avais fait découvrir la semaine dernière. On va rester aussi dans le même coin, puisqu'ils viennent du nord de la France. Eux, par contre, pour les paroles, ils sont plus proches de l'Ultra Vomit ou de Philippe Catherine. Sur ce P, par cet album qui est plus vite et plus fort, comme par exemple ce morceau aux paroles délicieuses qui est Pollution Nocturne. Sisters, groupe de la région parisienne, et son troisième album She Likes Monsters, c'était Go Go et Two Sisters. Ben, ils seront le 28 mars prochain au Dropkick en compagnie de The Calamities, Turn Off et Yeti. Juste avant, venu du nord de la France, c'était donc Bure qui nous racontait leur pollution nocturne sur leur album Plus Vite et Plus Fort. Et ben, tiens, on va revenir à l'album de metalcore du groupe Tungsten et son Chronicles of the Living. Et on va s'écouter We Won't Forget avant ce petit délire, petite intro technoisante. Je sais pas si ça se dit, ça, Christophe, technoisant. Et bon, on va le dire. En tout cas, voilà, on a inventé un nouveau mot qui s'appelle donc Reboot. We Won't Forget, extrait donc de Chronicles of the Living et sa petite intro technoisante. Ouais, voilà, j'ai inventé un mot, je vais bientôt le faire valider par l'Académie française, donc Reboot, donc tous deux extraits donc de l'album Chronicles of the Living, donc Tungsten. Bon, on a le temps de se faire un dernier morceau avant de laisser la place à Electro Live. On va revenir à l'album de Tremonti qui s'appelle donc The Hand Will Show Us How, et on va terminer tout cool avec le morceau qui donne son titre à l'album. Till it's mine to hold, it will call to me. Tremonti avec The End Will Show Us How. Voilà, d'extrait donc de l'album du même nom. C'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Eh bien, merci d'avoir été encore à l'écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis éclaté comme toutes les semaines. Amis Nightclubbers, ben maintenant, il va être temps de passer la place à Christophe et à Electro Live. De quoi il va être question ce soir, on ne sait pas. Salut Christophe, qu'as-tu à proposer aux Amis Nightclubbers ce soir? Salut, bonsoir à toutes et à tous. De la progressive ce soir. La progressive house. Voilà. Uniquement. Uniquement, donc voilà. Ouais, d'habitude, quand je fais de la progressive, souvent je joue une heure de progressive, puis après de la tech, la techno. Là, ça va faire. Je pense qu'il va être deux heures de progressif. Voilà. Eh bien, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire de rester branché sur Radio Arc-en-Ciel. La musique continue. Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Salut à tous!